إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc on va commencer le cours aujourd'hui de Umdatul Ahkam, l'explication de Al-Bassam, Cheikh Abdullah Al-Bassam, dans son livre Taysir Al-Allam, Sharh Umdatul Ahkam. Et نعم, on est rendu au hadith numéro 3. Le hadith numéro 3 dans Kitab Al-Tahara. Kitab Al-Tahara, le livre de la purification. Donc, il dit, le hadith en question c'est An Abdillah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, wa Abi Huraira, wa Aisha, radiallahu anhum ajma'in, qalu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار رواه البخاري ومسلم. نعم. Donc la traduction de ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abu Huraira et Aisha. Donc les trois ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur au talon, yani d'un châtiment du feu. Malheur au talon, yani par rapport à un châtiment du feu. Et le cheikh, il explique les termes difficiles dans ce hadith, c'est al-wayl. Premièrement, al-wayl. Et il dit que ça signifie al-azab wal-halak. Al-azab wal-halak. Donc c'est comme si ça signifiait le châtiment et yani la perdition. Et il dit wal waylu masdarun la fi'la la min lafzihi. Donc al wayl, c'est un masdar. Il n'y a pas de verbe de cette forme là. Donc al wayl aussi, ça a été interprété par des ulama comme étant une rivière dans l'enfer où les gens de l'enfer vont être, hein? Il y a des versets dans le Coran qui commencent par al-wayl, hein? Waylu lil-mutaffifin, hein? Fa waylu lil-musallin, hein? Dans le Coran, dans d'autres shurouh, les ulama, ils disent, certains mufassirins nous ont dit annawayl wadin, annawayla wadin fi jahannam, wa sawab annawayl kalimatun littahdid wal iqab. Donc il y en a qui ont dit que c'était une vallée dans l'enfer qu'on appelait wayl, mais qu'est-ce qui est correct, c'est que c'est une parole de menace et de châtiment. Donc quand tu dis wayl, c'est pour une menace et un châtiment. Donc souvent tu vois dans les traductions, même dans la traduction des sens du Coran en français, ils écrivent par exemple malheur. Malheur à celui qui fait telle ou telle chose. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحابها. Donc le cheikh explique que al-aqab c'est le pluriel de aqib, c'est-à-dire le derrière du pied. Qu'est-ce qu'il y a en arrière du pied? C'est le talon, hein, la région du talon. Et il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par al-aqab? On veut dire, bien entendu, les propriétaires de ces talons-là, c'est-à-dire la personne qui a les talons en question. وَالْعَقَابْ لِلْعَهْدِ أي يعني le alif et le lam devant al-aqab lil-ahd أي al-aqab التي ينالها الماء وبها يستقيم الوعيد, c'est-à-dire les talons qui ne sont pas touchés par l'eau lorsqu'on fait l'ablution. Et c'est là que la signification devient correcte, devient claire. On comprend qu'est-ce qu'on veut dire par cette menace. On veut dire donc la personne qui fait son wudu mais qui néglige de laver comme il faut les talons quand il fait son wudu, quand il lave ses pieds. Donc il lave ses pieds mais il néglige les talons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'il y a une menace d'un châtiment pour la personne qui fait ça. Naam. Donc ويل للعقاب العقب مؤخر القدم ويفهم من هذا الحديث ترك يعني تحريم ترك غسل العقاب في الوضوء. Donc c'est interdit de délaisser le fait de laver les talons lorsqu'on fait le wudu. Et ça c'est comme le cheikh il explique ici, il dit يحذر النبي المعنى الإجمالي, le sens général du hadith. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه ويحث على الاعتناء بإتمامه ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه أخبر أن العذاب منصب عليه على صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. Donc le cheikh explique que c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avertit ici la personne qui fait preuve de négligence dans la question de l'ablution et qui a des manquements dans son ablution. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là en réalité c'est comme s'il nous incitait à faire attention à notre wudu pour le compléter comme il faut. Et étant donné que le talon, qu'est-ce qui est derrière les jambes ou les pieds, qu'est-ce qui est en arrière du pied, c'est un endroit qui est en général plus difficile à atteindre, hein, quand on fait le wudu, l'eau arrive pas, on n'arrive pas facilement parfois à laver le talon. Donc c'est souvent à cet endroit-là qu'il y a un problème et qu'il y a un défaut dans notre purification ou dans notre salat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y a un châtiment qui est préparé pour la personne qui fait preuve de négligence dans sa purification légale. C'est ça. Après le cheikh il explique les points qu'on peut tirer de ce hadith là. Le cheikh il explique, il dit ما يؤخذ من الحديث وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة يعني مقيسة عليهما بقية الأعضاء مقيسة عليهما مَعَ وُجُودِ نُصُوصٍ لَهَا. Donc le cheikh explique que parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith là, c'est que c'est obligatoire de faire bien attention de laver chaque membre du wudu et de faire en sorte que l'eau atteigne chaque membre du wudu et de ne pas négliger ou de ne pas délaisser une partie de ses membres. Et il y a des hadiths qui mentionnent de façon explicite, comme dans ce cas-là, dans ce hadith-là, et il mentionne de façon explicite les deux pieds. il est parti des pieds. Et les autres membres sont impliqués par analogie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus laisser des espaces de notre corps ou des membres qu'on doit laver dans l'eau d'eau sans que l'eau ait touché à ces membres-là. Yani, c'est la même chose que le talon. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu sur le pied d'un des sahaba un espace qui n'avait pas été touché par l'eau de la grosseur d'un ongle. Hein? Comme yani, un petit espace qui n'avait pas été touché par l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur hein, au talon. Hein, d'un châtiment. Malheur aux gens qui ne nettoient pas ou qui ne lavent pas comme il faut les talons lorsqu'ils font leur wudu. Et donc ça s'applique aux autres membres du corps aussi. Si tu fais ton wudu puis que tu laisses une partie de ton bras sans le laver, ou bien une partie qui est obligatoire à laver, tu la laves pas comme il faut, ou tu laisses pas de l'eau passer par dessus comme il faut, eh bien ça s'applique à ça aussi, même s'il y a des textes spécifiques pour ces parties là, pour ces différents membres du corps là. Le deuxième point que le cheikh mentionne, al-wa'id al-shadid lil-mukhil fi wudu'ihi, c'est-à-dire la dure menace pour la personne qui néglige son wudu hein, et qui a des manquements dans son wudu. Wa yani ma yu'khadh min al-hadith an-nuqta al-thalitha an al-wajib fi al-rijlain al-ghusl fi al-wudu. وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. Le cheikh ici fait allusion à qu'est-ce qui est obligatoire de laver dans le wudu, et il mentionne que les preuves se sont toutes supportées les unes les autres, des preuves authentiques se supportent les unes les autres, ainsi que le consensus de la Ummah pour dire que c'est quelque chose qui est obligatoire de laver les pieds, les deux pieds dans le wudu. Hein, c'est obligatoire de laver les deux pieds dans le wudu. Il y a les preuves nombreuses à ce sujet-là, et il y a l'ijma' de la Ummah à ce sujet aussi. Contrairement aux singularités des Shia, les Shia ont divergé dans cette question-là, et ils ont contredit le reste de la Ummah. Hein? Et ils ont contredit les hadiths authentiques et clairs à ce sujet-là, dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans son enseignement quand il a enseigné le wudu aux sahaba. De même qu'ils ont également contredit le qiyas, hein, l'analogie qui est droite et correcte au sujet de laver les deux pieds, et que c'est, ils ont dit que c'est mieux que de faire le masih. Bon, justement, à propos de ça, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a expliqué cette question, il l'a expliqué en détail. Il a clarifié que, en fait, les Rafidah, ils ont dévié. Et eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils font le wudu? Ils font juste passer leurs mains mouillées sur le dessus de leurs pieds. Et ils ne lavent pas le pied au complet. Et en même temps, le pire, c'est que il renie ou il rejette al-mas' ala al-khuffayn. Donc pour eux, le mas' ala al-khuffayn, ça n'existe pas. Hein? Ils considèrent que ça ne fait pas partie de l'islam. Donc ils le font pas. Mais ils ne lavent pas le pied. Ils font juste mouiller le dessus du pied avec une main mouillée. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les ulama de Ahl al-Sunnah ont réfuté les Rafida sur cette question-là, et ils ont même mentionné la question de al-mas' al-khuffayn dans les livres de l'aqida de Ahl al-Sunnah. Donc tu vas trouver parfois dans les livres de Aqidah, parmi les éléments qui sont mentionnés, parmi les éléments de la Sunna et de la Aqidah, il mentionne par exemple al-mas'hu 'ala al-khuffayn. Et la raison pourquoi il le mentionne, c'est parce que ça fait partie des choses sous lesquelles les Rafida ont contredit Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc c'est devenu même un élément de Aqidah. En ce qui concerne donc cette question-là, il y a le verset dans Surat Al-Ma'idah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne les membres à laver dans le wudu. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat » فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. Donc c'est ça. Donc ça c'est le verset du wudu dans Surat Al-Ma'idah, le verset 6. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, junub, vous avez eu des rapports intimes et que vous êtes impur, alors purifiez-vous par un bain, défaites le rousseau. Et si vous êtes malade ou en voyage ou ainsi de suite, donc là il y a le tayammum par la suite. Bon, mais c'est pour dire que eux, les Rafida, ce verset-là, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ils croient que Al-Ka'b, pour eux, Al-Ka'b, c'est le dessus du pied. Moi, je disais Al-Aqib, mais c'est plutôt Al-Ka'b. Et dans le verset, ils l'interprètent comme ça. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages. » Donc, on voit, Allah, il dit, « Farsilu wujuhakum » وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. Si vous connaissez un peu la grammaire, vous comprenez que فَرْسِلُ وُجُوهَكُمْ c'est وُجُوه, c'est mansoub. C'est pour ça qu'il y a la fatha sur وُجُوهَكُمْ. اِرْسِلُ وُجُوهَكُمْ. Donc وُجُوه est mansoub et أَيْدِيَكُمْ est mansoub aussi pour mains. Donc ça veut dire qu'il retourne à Al-Rusl, c'est-à-dire que ça doit être lavé. Tu dois laver ton visage et laver tes mains jusqu'au coude. Puis, après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wamsahu bi ru'usikum. Ru'us, il est majrour avec le, à cause du ba, qui est un harf jar. Donc, Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. En principe, arjul, s'il retournait à imsahu, on devrait dire biru'usikum wa bi'arjulikum, mais c'est pas bi'arjulikum, c'est wa arjulakum. Et les ulama ont expliqué qu'il y a les deux lectures, il y a la lecture wa arjulikum et wa arjulakum, d'accord. Et dans, si on le lit wa arjulikum, ça veut dire qu'on doit passer la main, faire le masah. Parce qu'Allah dit وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. Si tu dis وَأَرْجُلِكُمْ, c'est pour le masah. Et si tu dis وَأَرْجُلَكُمْ, c'est pour le ghusl, c'est pour laver le pied. Et donc les ulama d'Ahl Sunnah, eux, ils l'expliquent en disant que si t'as tes chaussettes, puis que tu as fait ton wudu avant de les porter, donc tu vas faire le masah. Donc ça, la lecture qui le lit avec le majrour, ça c'est pour expliquer al-masah al-khuffayn. Et l'autre récitation, l'autre lecture avec mansoub, c'est pour expliquer que c'est de laver le pied lorsque tu portes pas de chaussettes. Et jusqu'au ka'bain, il a le ka'bain. Le Ka'b, c'est l'os qui est ici. Il sort du pied, de chaque côté, donc c'est-à-dire les chevilles. Donc jusqu'aux chevilles. Eux, les Shia, ils interprètent Al-Ka'b comme étant le dessus du pied. Donc il déforme même la signification du terme Ka'b. Allah musta'an. Donc c'est pour dire que à cause de ça, comme j'ai dit, eux ils lavent pas le pied, ils font juste passer la main par-dessus. Et ils rejettent al-mas' al-khuffain, donc ils ont contredit Ahl al-Sunnah wal-Jama'a dans ces deux questions-là. Et donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans, comme on l'a expliqué, c'est pas seulement de laver une partie, mais de laver tout le pied au complet, et que si on néglige même une petite partie dans notre wudu, lorsque on fait le wudu et qu'on n'a pas laissé ou fait en sorte que l'eau touche même le talon, eh bien, dans ce cas-là, yani, on est sous une menace, comme le professeur sallam l'a dit. Wallahu ta'ala a'lam. On passe maintenant au hadith numéro 4. Le hadith numéro 4, c'est un hadith encore selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Il dit, « وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ مسلم فليستنشق بمن خيريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق رواه البخاري ومسلم. Donc on va traduire le hadith. Il est rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous fait son wudu, qu'il mette de l'eau dans son nez, c'est-à-dire qu'il rentre de l'eau dans son nez, puis qu'il la fasse sortir avec force en soufflant par son nez. On appelle ça al-istinthar. Al-istinthar, al-istinshaq, c'est de faire rentrer l'eau dans le nez, et al-istinthar, c'est de faire sortir l'eau du nez en soufflant fort. Wa man istajmara falyutir. Al-istijmar, c'est lorsque quelqu'un fait ses besoins, hein, et qu'il a terminé, il s'essuie, il retire l'impureté, hein, qui reste avec des pierres. Avec des pierres. À l'époque, les gens utilisaient des pierres, ou qu'est-ce qu'ils avaient sous la main, pour se nettoyer après avoir fait leurs besoins. Et le prophète, dans ce hadith-là, il dit, celui qui utilise des pierres pour s'essuyer ou pour se nettoyer quand il a terminé de faire ses besoins, qu'il utilise un nombre impair. Falyutir. Yutir, ça vient de witr qui veut dire impair. Et comme on sait, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas utiliser moins que 3. Donc, tu peux utiliser le minimum, c'est 3, puis ensuite tu fais le witr. Ça veut dire que ça va être soit 3 ou 5 ou 7 ou 9 ou 11 et ainsi de suite. Mais tu ne mets pas un nombre pair. Yani, ça, c'est la sunna. Yani. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Wa idha staiqadha ahadukum min nawmihi » Donc, si l'un d'entre vous se réveille après avoir dormi, alors qu'il lave ses deux mains avant de les faire rentrer dans le contenant 3 fois. Et ça, c'est la version de Muslim. La version de Al-Bukhari, il n'y a pas la mention de laver 3 fois, seulement une fois. Donc, avant de rentrer ta main dans... Lorsque tu te réveilles, tu as dormi la nuit, tu te lèves. Et tu vas dans un contenant où il y a de l'eau pour te laver les mains ou te laver. Tu n'as pas rentré ta main directement dans l'eau, dans le contenant. C'est possible que sur ta main, il y a de l'impureté. Donc, avant de rentrer ta main dans le contenant, tu vas verser un peu d'eau sur ta main, puis tu vas laver tes mains. Dans la version de Muslim, c'est mentionné 3 fois. Toutefois, une fois, ça suffit aussi, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, que il n'a pas mentionné trois fois, il a juste dit de laver la main avant de les rentrer dans le contenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué pourquoi on ne doit pas rentrer la main dans le contenant, et il a dit parce que nul d'entre vous ne sait où sa main a passé la nuit, c'est-à-dire quand il dormait, il n'est pas conscient de où est-ce qu'il met ses mains parfois, et donc peut-être qu'il va mettre ses mains dans quelque chose d'impur, et il rentre sa main dans l'eau, et donc il rend l'eau impure ou sale, hein, non, c'est pas correct, surtout s'il va la laver après, c'est-à-dire il va utiliser cette eau-là pour se laver après, donc l'eau sera plus propre. وفي لفظ لمسلم dans une autre narration, une version de l'imam Muslim, il dit فليستنشق بمنخيريه من الماء, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au début, lorsqu'il commence à faire son wudu, qu'il mette de l'eau dans son nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version de l'imam Muslim, il dit qu'il fasse l'istinshaq en rentrant de l'eau dans ses narines. Donc quand tu fais ton wudu, tu prends de l'eau dans ta main, tu fais rentrer de l'eau en inspirant l'eau par tes narines. Ça, c'est ce qu'on appelle al-istinshaq. Et dans une autre narration, une autre version, c'est écrit man tawadda'a falyastanshiq. Et celui qui fait le wudu, eh bien qu'il fasse yani al-istinshaq, c'est-à-dire qu'il rentre l'eau dans son nez en inspirant l'eau par le nez, puis après il la fait ressortir par qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, al-istinsar yani thumma yastanfir, puis il la fait sortir en soufflant par son nez. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les termes qui sont employés dans le hadith, qui sont moins connus, qu'on utilise moins souvent, hein, gharib al-hadith, le cheikh il dit tawadda'a ahadukum, yani idha shara'a fil wudu. Donc quand l'un d'entre vous yani commence à faire son wudu, liyamtathir, falyamtathir. Il dit يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه وإدخاله هو الاستنشاق. Donc الاستنثار, c'est de faire sortir l'eau du nez après l'avoir fait rentrer, et le faire rentrer l'eau, ça s'appelle استنشاق, comme on l'a dit tout à l'heure. Après il dit استجمر استعمال الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة. Donc الاستجمار, ça veut dire d'utiliser des jimar, et al-jimar c'est des pierres, donc tu utilises des pierres pour couper ce qui sort par une des deux voies, hein, soit par la voie où sortent les excréments ou l'urine, donc tu utilises des pierres pour te nettoyer avec. On appelle ça al-istinja bil-hijara, c'est-à-dire le fait de se nettoyer, hein, de se purifier avec des pierres. Falyutir, yani liyunhi istijmarahu ala witr, liyunhi istijmarahu ala witrin وهو الفرد مثل ثلاث أو خمس أو نحوها أو نحوهما ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. Donc, comme je disais tout à l'heure, le cheikh il dit qu'il termine son istijmar, hein, le nettoyage qui se fait quand il enlève les impuretés avec les pierres, qu'il termine par un nombre impair de pierres, hein, comme 3 ou 5, ou ainsi de suite. Et il faut qu'il utilise pas moins que 3 pierres. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit moins que 3 pierres. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي إِلَى آخِرِهِ تَعْلِيلٌ لِغَسْلِ الْيَدِ بَعْدَ الْإِسْتِيقَاظِ. Donc, l'explication de la raison pourquoi il faut laver les mains après s'être réveillé, il explique, il dit فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. يعني حقيقة المبيت يكون من نوم الليل وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. Donc il dit que en principe quand on dit bata c'est pour le sommeil qu'on dort quand on dort la nuit. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين باتت يده. C'est-à-dire un d'entre vous ne sait pas où est-ce que sa main a passé la nuit. En général, on utilise bata pour décrire le fait de dormir la nuit. Sauf que il y a d'autres savants de la langue arabe qui ont expliqué, comme Az-Zamakhshari et Ibn Hazm et Al-Amidi et Ibn Burhan, ils ont dit que ça peut être dans le sens de sar. C'est-à-dire que ce n'est pas spécifique à un temps. C'est-à-dire que si tu dors même le jour, que pendant la journée par exemple, tu fais une sieste ou que tu dors, eh bien c'est la même chose, tu dois aussi te laver les mains avant de les rentrer dans le contenant. Et qu'est-ce qu'on veut dire par Al-Yad hein, quand on le laisse dans sa forme absolue, ça veut dire la main. Parce qu'on sait que dans la langue arabe, le terme yad, ça peut vouloir dire à partir des doigts jusqu'au coude. Hein. Al-Yad, ça peut être le bras au complet. Mais quand on spécifie, quand on dit yad de façon absolue, ça veut dire c'est en général c'est pour la main, désigner la main. Et il dit فليستنشق الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. Donc on a dit tout à l'heure الاستنشاق فليستنشق c'est le verbe impératif de استنشاق du mot استنشاق qui veut dire de faire rentrer de l'eau par le nez. Donc d'inspirer l'eau par le nez, et c'est comme ça qu'on nettoie notre nez de qu'est-ce qu'il y a comme saleté, comme impureté, et ainsi de suite. Donc quand on fait l'oudou, on purifie notre corps, et donc même notre nez fait partie du visage. En fait, de faire passer l'eau dans le nez, dans la bouche, quand on met de l'eau dans la bouche, puis on fait circuler l'eau dans la bouche, puis on la recrache, ça on appelle ça « al-madmada ». Al-madmada et al-istinshaq, ça c'est aussi, ça fait partie de laver le visage. Donc quand tu fais le wudu, tu commences hein, par qu'est-ce qui est obligatoire en premier, c'est le visage. Et tu commences par la bouche et le nez, parce que la bouche et le nez font partie du visage. D'accord? Et quand tu laves la tête, hein, tu commences par passer tes mains par en avant, là où les cheveux commencent à pousser, et tu les passes jusqu'en arrière, à la nuque, et tu reviens en avant, à partir de l'endroit où tu as débuté ton mouvement. Puis après, tu laves tes oreilles, parce que les oreilles font partie de la tête. D'accord? Donc c'est comme si la bouche et le nez font partie du visage, et les oreilles font partie de la tête, donc c'est comme si ça fait partie de ces deux section là. C'est pour ça que parfois dans les hadiths ou dans le verset dans le Coran, il n'y a pas la mention de la bouche et le nez dans le verset. Hein. Et il n'y a pas la mention non plus de passer les doigts dans les oreilles après avoir essuyé les mains sur la tête. Pourquoi? Parce que ça fait partie du visage et ça fait partie de la tête. Donc, ce n'est pas mentionné. Mais dans la sunna, on a la clarification de ces choses-là dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique plus en détail ces questions-là. Al-ma'na al-ijmali, la signification générale de ces hadiths. Le cheikh dit yashmalu hadha al-hadith ala thalath faqrat. Li kulli faqratin hukmuha al-khas biha. Donc ce hadith il a trois parties et chacune de ces trois parties-là a un verdict qui lui est particulier. Al-awwal فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث لأن الأنف من الوجه hein, yani wa umira al-mutawaddi bi ghaslihi. Donc le cheikh il dit ce hadith, donc il, le premier point c'est que la personne qui fait le wudu, lorsqu'il commence à faire son wudu, il doit faire rentrer de l'eau dans son nez. Puis, une fois qu'il l'a fait rentrer, il l'a fait sortir par le nez aussi. Et ce qu'on appelle al-istinshaq, quand ça rentre, et al-istinfar, quand ça sort, comme on l'a dit, et c'est ça ce qui est mentionné dans le hadith. Et il dit le cheikh, comme j'expliquais tout à l'heure, que le nez fait partie du visage. Hein? Le nez fait partie du visage, donc il faut le laver aussi. Hein? Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ تَضَافَرَتِ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ عَلَى مَشْرُوعِيَتِهِ لِأَنَّهُ مِنَ النَّظَافَةِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا. Il dit qu'il y a de nombreuses preuves parmi les hadiths authentiques qui indiquent la, le fait que c'est quelque chose d'obligatoire de laver le nez dans le wudu parce que ça fait partie du nettoyage et de la purification, hein, de la propreté qui est exigé dans la charia. Et le cheikh il dit comme le point numéro 2, ثم ذكر ايضا ان من اراد قطع الاذى الخارج منه بالحجاره ان يكون قطعه على وتر اقلها ثلاث واعلاها ما ينقطع به الخارج وتنقي المحل إن كانت وترا وإلا زاد واحدة يعني توتر أعداد الشفع توتر أعداد الشفع. OK, donc le cheikh il explique que si quelqu'un va faire ses besoins et que lorsqu'il termine, il se nettoie avec des pierres, eh bien, dans ce cas-là, il doit utiliser un nombre impair de pierres. Le minimum, c'est 3. Et le maximum, il n'y en a pas. C'est jusqu'à ce que l'impureté cesse de sortir. Donc, il n'y a plus d'impureté, c'est là le maximum, ou le plus grand nombre. Et il dit que tu dois faire en sorte que l'endroit soit nettoyé par un nombre impair. Sinon, tu en rajoutes un. Et si c'est un nombre pair, ben, tu rajoutes un pour que ce soit impair. Et il dit ensuite, وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلهما ثلاث مرات لأن نوم الليل غالبا يكون طولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم, لأن غسل الليل لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. Donc il dit le cheikh ici que également la personne qui se réveille la nuit d'un sommeil de la nuit, il ne doit pas rentrer sa main dans le contenant où il y a de l'eau ou toucher quelque chose d'humide jusqu'à ce qu'il ait lavé ses mains 3 fois. Il dit parce que le sommeil de la nuit en général il est long et c'est possible que pendant ce temps sa main se promène sur son corps et c'est possible qu'elle touche quelque chose de sale, hein. Quelque chose de sale et lui il ne le réalise pas ou il ne le savait pas. Alors il a été légiféré de laver la main pour la propreté, de laver la main avant de la rentrer dans le contenant. Donc dans le hadith il dit إذا توضأ أحدكم Ici, c'est-à-dire lorsqu'il commence son wudu. Hein? Lorsqu'il, quelqu'un d'entre vous commence son wudu et non pas après avoir fini. لأن الفعل مرة يطلق ويراد به نية الفعل ومرة يطلق ويراد به البدء في الفعل ومرة يطلق ويراد به انتهاء الفعل فلا يصح أن يراد به هنا انتهاء الفعل فلا يقال للمسلم بعد الوضوء اجعل في أنفك ماء وإنما المراد إذا ابتدأ أحدكم في الوضوء. Donc c'est pour dire que c'est quand quelqu'un commence son wudu. فليجعل اللام هنا لام الأمر. Donc le lam, فليجعل, le lam c'est qu'est-ce qu'on appelle لام الأمر, le lam impératif. يجعل فعل مضارع. والفعل المضارع المسبوق بلام بلام الأمر يفيد الوجوب. Donc, s'il y a un verbe en arabe qui est au présent, puis qui est précédé par un lam de l'impératif, alors ça implique ou ça signifie l'obligation. C'est-à-dire que l'acte en question est obligatoire. فدلنا ذلك على أن جعل شيء من الماء في الأنف من الواجبات في الوضوء. وهذا هو الصحيح من قولي العلماء. وبعض العلماء يرى أن الاستنشاق ليس واجبا. Donc certains ulama peuvent considérer que ce n'est pas une obligation. يعني في ما في أنفه يعني في ظرفية والأنف المراد به الخيشوم المعروف مخرج الأنف. الخيشوم en arabe c'est les narines. Je me rappelle quand on était à Médine, on expliquait Al-Fiyat ibn Malik dans les cours de grammaire, et il y avait des shawahid nahwiya, les vers de poésie qu'on utilise comme référence dans l'épreuve des règles de grammaire. Et puis parmi les références, je me rappelle, il disait Khalata min Salma Khawashim Awafa. Khawashim, c'est le pluriel de khayshoum. Et khayshoum, c'est les narines. Al-khayshoum. Donc en arabe, le terme narine, c'est al-khayshoum. Et c'est là, yani, les trous du nez. Les narines, yani. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, thumma lyantathir, yani al-istinthar, wa huwa daf'ul ma'a. للخروج من الأنف الاستنثار comme on a dit c'est de faire sortir l'eau du nez et الاستنشاق c'est de faire rentrer l'eau dans le nez الاستجمار on a dit c'était quoi الوتر c'est impair on a expliqué نعم إذا استيقظ أحدكم من نومه نوم اسم جنس مضيفة إلى معرفة فالأصل أنها تفيد العموم في نوم الليل ونوم النهار ولكن وجد في الحديث لفظ يدل على أنه نوم الليل فقط وهو قوله باتت والبيتوتة يراد بها نوم الليل دون نوم النهار. Donc ici نوم il est relié à quelque chose qui est défini. Et à la base, quand quelque chose, un nom, est rattaché à quelque chose qui est défini, un nom indéfini qui est rattaché à quelque chose de défini, ça indique quelque chose qui est général. Donc ça pourrait impliquer le sommeil de la nuit et le sommeil du jour. Mais le terme ba'atat, ça indique le sommeil de la nuit. On a expliqué tantôt que, par contre, certains ont mentionné que ba'ata, ça peut vouloir dire sar. Et que dans ce cas-là, ça pourrait être appliqué quand même pour le jour et la nuit. Le sommeil du jour et le sommeil de la nuit aussi. Donc, en voulant dire que quand tu te réveilles, يعني que ce soit le jour ou la nuit, tu laves tes mains avant de rentrer ta main dans le contenant où il y a de l'eau, pour pas salir l'eau. وقوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما يعني هل لاقت مكانا طاهرا أم نجسا. Donc la personne ne sait pas où est-ce qu'elle a mis sa main la nuit quand elle dormait. Donc elle doit, avant de la rentrer dans le contenant, elle doit la vérifier. C'est ça. Donc il y a des savants qui ont dit que faire l'istinchar, c'est pas obligatoire. Parce qu'ils ont dit que dans le verset 6, dans Surat al-Ma'ida, il n'y a pas la mention du nez. Et de faire l'istinchar. Toutefois, le terme wajh, le visage, c'est général et ça inclut le nez et la bouche aussi. Hein? Aïna. وفي الحديث وجوب قطع الاستجمار على ثلاث مرات فأكثر. Donc c'est ça. في الحديث وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. L'obligation de laver les mains avant de les rentrer dans le contenant quand on se réveille du sommeil, on l'a dit. Et l'explication de la raison pourquoi tu dois le faire. L'explication est mentionnée dans le hadith. Donc, quand c'est expliqué dans le hadith la raison pourquoi, dans ce cas-là, on dit c'est pour ça, yani, parce que c'est mentionné dans le hadith. Mais il y a des hadiths, parfois il y a un hukum, il y a un verdict, mais il n'y a pas la mention de pourquoi. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire de demander pourquoi. S'il n'y a pas d'explication mentionnée, c'est pas nécessaire. Parce qu'on sait que tout ce que Allah nous a ordonné de faire, c'est pour une sagesse. C'est quelque chose de bien. C'est possible que parfois on arrive à comprendre la sagesse derrière l'ordre. Et parfois c'est possible qu'on n'arrive pas. Ou que c'est possible que quelqu'un, il comprenne et qu'un autre ne comprenne pas. Parce que chacun, il a une intelligence différente, une raison différente. Mais le mu'min, le croyant, peu importe qu'il comprenne l'ordre ou non, il est ordonné de se soumettre à Allah et de faire confiance en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc c'est pas nécessaire que tu saches la raison. Mais il y en a qui disent, moi si je comprends pas la raison, je le fais pas. Non, c'est pas correct. Le mu'min, il dit pas si je comprends pas la raison, je le fais pas. Non, il dit je le fais même si je comprends pas la raison, du moment que c'est authentique, du moment que c'est sahih. Aïna'am. Parce qu'il n'y a rien de qu'est-ce qui est ordonné par Allah excepté que c'est pour la plus grande sagesse et le plus grand bien. Après, le cheikh il explique, il dit wa fi fi al-hadith aydan ta'lil al-hukm wa huwa بقوله لا يدري أين باتت يده لكن لو ربط الإنسان يديه فإنه حينئذ يقال هو أيضا لا يدري أين باتت يده لأن المراد علة النجاسة الحكمية والحسية والمعنوية أيضا. أي نعم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الشياطين تبيت Ala khayshum al-insan. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que les diables ils dorment dans les narines de l'être humain. Shaitan, il dort dans les narines de l'homme. Wa qad yakun al-murad bil hadith anna ash-shayatin ta'ti ila yaday al-insan wa tabulu 'alayha. أو تبيت عليها فحينئذ لو ربط يديه فإنه لا يدل على انتفاء الحكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. Donc quand le shaitan il dort dans nos narines, yani quand tu fais sortir les saletés qui sont dans le nez, ça nettoie. Et puis même si le cheikh il donne un exemple ici, il donne un autre exemple, il dit si quelqu'un il attache ses mains pendant qu'il dort, ben il peut pas dire que il sait pas où ses mains ont passé la nuit. Donc est-ce qu'il doit quand même laver ses mains? Il dit oui, c'est possible, puisque si le shaitan il passe sa nuit dans ses narines, il est capable de venir et uriner sur ses mains ou dans ses oreilles, comme c'est mentionné dans le hadith, que la personne, lorsqu'il ne se lève pas pour le fajr, quand il n'a pas entendu l'adhan ou quoi, c'est parce que le shaitan a uriné dans ses oreilles. C'est rapporté par l'imam muslim. Donc c'est pour dire, c'est très possible. Donc dans ce cas-là, il faut laver quand même. Allah mustaan. Ensuite, il y a des divergences entre les ulama sur certaines des questions. Donc on va lire quelques-unes de ces divergences. Le cheikh il dit, اختلف العلماء في النوم الذي يعني يشرع بعده غسل اليد. فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم نعم أيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجة إذا استيقظ أحدكم من الليل. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يعني يغلب عليها التعبدية، فلا مجال للقياس أو لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. Donc la première divergence qui est mentionnée, c'est la question du sommeil. Quand tu te lèves et que tu dois laver le hadith demande de laver nos mains quand on se réveille. Est-ce que c'est pour tous les sommeils ou juste le sommeil de la nuit? Et l'imam Shafi'i et la majorité des ulama considèrent que c'est après tout sommeil, peu importe que ce soit la nuit ou le jour. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À cause du sens de la parole qui est générale. Lorsque le prophète sallam a dit min nawmihi idha staiqadha ahadukum min nawmihi, c'est-à-dire de son sommeil, sans prendre en considération est-ce que c'est le jour ou la nuit, c'est général. Sauf qu'il y a deux imams, l'imam Ahmad et l'imam Daoud al-Zahiri, eux ils considèrent que c'est uniquement le sommeil de la nuit, et ils supportent leur opinion sur le fait que Al-Baytuta, le terme Ba'atat ou Ba'ata en arabe, c'est pour le sommeil de la nuit seulement. On emploie ce terme-là ou ce verbe-là uniquement pour le sommeil de la nuit. Et il dit que, le Cheikh Abdullah al-Bassam, il considère que la position correcte c'est la deuxième. La position de l'imam Ahmad et de Daoud al-Zahiri, que c'est pas pour n'importe quel sommeil, mais seulement le sommeil de la nuit. Et il dit que c'est supporté également par la version de l'imam At-Tirmidhi et Ibn Majah, puisque dans cette version-là, il y a la mention de min al-layl. Il reste un pasan ahdukum min al-layl. Donc le fait que ça soit mentionné min al-layl, ça spécifie que c'est le sommeil la nuit en particulier, et non pas n'importe quel sommeil. Et il dit donc que la raison, la sagesse pour laquelle on nous a ordonné de laver nos mains avant de la rentrer dans le contenant, elle n'est pas claire. Et il considère que c'est quelque chose qui est plus dans le sens de l'adoration, dans le sens que c'est une adoration qui nous est ordonnée, donc il faut le faire, même si on ne peut pas comprendre nécessairement la raison de façon évidente et apparente, claire. Et claire. Donc, on ne peut pas faire de qiyas. On ne peut pas faire d'analogie entre le sommeil de la nuit et le sommeil du jour. Même si le jour tu vas dormir longtemps, c'est pas la même chose que le sommeil de la nuit. Et on se base sur qu'est-ce qui est le plus habituel, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent, c'est dormir la nuit. Et il dit que les règles de la charia sont accrochées ou rattachées à qu'est-ce qui est le plus connu en général, le plus habituel, et non pas les choses exceptionnelles ou les plus rares, les choses rares. Il dit que le sens apparent du hadith indique que c'est quelque chose qui est spécifique au sommeil de la nuit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de la divergence entre les ulama dans ces questions-là, c'est يعني اختلفوا هل غسلها واجب أو مستحب. Est-ce que c'est obligatoire de laver les mains avant de rentrer dans le contenant ou non? Ou que c'est juste recommandé. Le cheikh il dit فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية لأحمد اختارها الخرقي والموفق والمجد والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث. Donc ça, c'est la deuxième divergence. C'est qu'il dit que la majorité des ulama considèrent que c'est recommandé. La majorité des savants de l'islam, quand on parle de quand on se réveille la nuit et de laver les mains avant de les rentrer dans le contenant, est-ce que c'est obligatoire ou non? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que c'est obligatoire ou non de les... Est-ce que c'est recommandé ou obligatoire de laver les mains avant de les rentrer dans le contenant? Et l'imam, une des narrations de l'imam Ahmad, c'est que c'est... On dit la majorité des savants disent que c'est recommandé. C'est pas obligatoire. Et il y a une narration de l'imam Ahmad qui dit ça aussi. Et c'est la position qui a été choisie par Al-Kharqi, par Al-Muwaffaq et par Al-Majd. Ça, c'est différent savant du madhab Hanbali qui disent que c'est cette position-là qui est correcte. Donc le Jumhur, quand on dit le Jumhur en général, ça veut dire on peut l'employer, le terme Jumhur, pour dire les trois madhab. C'est-à-dire quand on dit par exemple le Jumhur, ça veut dire le madhab de Abu Hanifa, Malik et Shafi'i et Ahmad. C'est un des quatre qui a une position qui contredit les trois autres. On va dire le Jumhur, c'est la position des trois autres. Mais on peut aussi utiliser le terme Jumhur, comme le Cheikh Ahmed Bazmoul expliquait l'autre jour. On peut aussi employer le terme Jumhur dans le sens de la majorité des savants, pas seulement les quatre madhahib. D'accord? Donc, les madhahib en général, ils considèrent comme Malik, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, le madhab Hanafi, Maliki et Shafi'i considèrent que c'est pas obligatoire de laver les mains avant de les rentrer dans le contenant, mais c'est recommandé. Et l'imam Ahmad, il y a une narration de sa part qui dit ça aussi. Et ça a été rapporté par certains des grands savants du madhab Hanbali. Toutefois, la position la plus célèbre du madhab de l'imam Ahmad, c'est que c'est obligatoire de les laver les mains avant de les rentrer dans le contenant, tel que c'est mentionné dans le sens apparent de ce hadith qu'on a lu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de verdict comme principe ou comme point dans ce hadith-là qu'on a lu, le hadith numéro 4? Cheikh, il dit وجوب الاستنثار والاستنشاق. قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. Donc l'obligation de faire l'istinshaq et l'istinthar. Il y a النووي, il dit, il y a une preuve claire ici qui indique que l'istinthar c'est différent de l'istinshaq. L'istinshaq c'est quand tu fais rentrer de l'eau dans ton nez en inspirant l'eau, et l'istinthar c'est quand tu fais sortir l'eau de ton nez en soufflant. Donc ça, c'est obligatoire. Le point numéro 2. أن الأنف من الوجه في الوضوء أخذا min hadha al-hadith ma'a al-aya faghsilu wujuhakum. Donc le point numéro 2, c'est que le nez fait partie du visage dans le wudu. Et Allah, dans le Coran, dans le verset 6, surat al-Ma'ida, il nous ordonne de laver le visage. Et donc, puisque le nez fait partie du visage, laver le nez, c'est obligatoire. Donc, de faire l'istinchaq, c'est obligatoire dans le wudu, puisque ça fait partie du visage. Le point numéro 3. Mashru'iyat al-ithar liman istanja bil-hijara. قيل قال المجد في المنتقى وهو محمول على أن القطع على وتر على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. Donc l'ordre de faire quand on se nettoie avec des pierres d'utiliser trois pierres minimum et de terminer toujours par un nombre impair de pierres quand on se nettoie après avoir fait nos besoins. Et Al-Majd, Majd ibn Taymiyyah, c'est le grand-père de Ibn Taymiyyah. Il a un livre qui s'appelle Al-Muntaqa, où il rapporte plusieurs hadiths dans les questions de fiqh. Et en passant, ce livre, il a été expliqué, Al-Muntaqa, il a été expliqué par l'imam al-Shawkani dans son livre Nailul Awtar. Hein? C'est le sharh de Muntaqa al-Akhbar. Donc, il dit que, Al-Majd, il dit que le fait de faire le witr en utilisant des pierres, quand on utilise les pierres, on utilise un nombre impair, c'est d'arrêter, et on le prend dans le sens d'arrêter à un nombre impair. Mais il faut que ça dépasse 3. Il faut que ça dépasse 3. Le minimum, c'est 3. Donc, si tu fais juste avec une, c'est impair. Sauf qu'il y a un autre hadith qui mentionne qu'il faut que ce soit plus que 3. C'est-à-dire, il faut que ce ne soit pas moins que 3, c'est ça. Donc, soit que tu vas faire 3 ou 5 ou 7 et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'endroit soit propre. Aussi, un point aussi par rapport à ça que j'aimerais rajouter, c'est qu'on a le droit également d'utiliser de l'eau. On a le droit d'utiliser de l'eau, et même que oui, et même que c'est mieux parce que ça nettoie mieux et c'est plus propre. Et on peut utiliser les deux. Aussi, on peut utiliser les pierres et de l'eau. Ça, c'est encore plus propre. Et un point aussi, c'est que si on n'utilise pas aujourd'hui des pierres, on utilise du papier hygiénique, par exemple, du papier de toilette, et bien ça aussi, c'est permis. Hein? Et si tu n'as que du papier de toilette, tu n'as pas d'eau, ça suffit. Tu n'es pas obligé d'utiliser absolument de l'eau. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si tu n'as pas utilisé de l'eau, ça veut dire que tu t'es pas nettoyé, tu n'es pas propre, tu ne peux pas prier. C'est pas vrai. Tu peux faire ta prière après t'être essuyé avec du papier seulement. Hein? Du moment que tu as complètement enlevé toute trace extérieure d'impureté. Hein? Et si tu as de l'eau, ben c'est encore mieux. Mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire c'est pas une condition que si t'as pas d'eau, ça veut dire que tu peux pas te laver comme te nettoyer avec du papier seulement. Ça c'est c'est une analogie. C'est une analogie entre les pierres et le papier ou n'importe quel autre. Chose qui peut enlever l'impureté. D'accord? قال ابن حجر, le cheikh dit point numéro 7, النهي عن إدخال الإناء قبل غسلهما. إدخال اليد في الإناء قبل غسلهما ou قبل غسلها. Donc l'interdiction d'entrer dans le contenant avant de l'avoir lavé. C'est-à-dire d'avoir lavé les mains. وهو إما التحريم أو الكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. Donc c'est ça, on a parlé de ça déjà. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة. Qu'est-ce qui est apparent dans la raison pour laquelle on doit laver la main avant de la rentrer dans le contenant, c'est pour la propreté. ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظ حفظها بكيس ونحوه. Il dit, yani, c'est un verdict général aussi. Ça veut dire que si, par exemple, tu avais dormi avec tes mains, avec des gants dans tes mains, ou quelque chose pour protéger tes mains, puis que tu, quand tu te réveilles, tu les enlèves, tu dois quand même les laver, puisque c'est le verdict général. Il y en a de laver les mains avant de les rentrer dans le contenant. وقوله إذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري وقد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. Donc c'est ça. Il dit c'est un hadith, c'est un seul hadith, la mention de et lorsqu'il se réveille, qu'il lave ses mains avant de les rentrer dans le contenant. Il dit, on dirait, on voit que ça a l'air que c'est un seul hadith, comme c'est mentionné dans le Bukhari. Mais ça donne l'impression aussi que c'était deux hadiths mis ensemble, parce que les deux hadiths, ils ont la même chaîne de transmission. Mais dans Al-Muwatta et dans Muslim, c'est deux hadiths séparés. Donc c'est possible que ce soit un seul hadith ou que ce soit deux hadiths séparés aussi. Donc ça c'est pour le hadith numéro 4. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite, le hadith numéro 5, au prochain cours inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.